Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors attention aujourd'hui, poison, oui, dans le journal de l'histoire, après l'affaire de l'opposant russe Alexei Navalny et son empoisonnement, alors présumé, les médecins allemands disent que oui, c'était du poison. Les poisons, une histoire sans fin. L'empoisonnement utilisé comme arme politique nous semblait une pratique bien lointaine. Une mauvaise habitude d'espion muni de parapluies bulgares ou de cigares cubains engloutis dans le fracas de la fin de la guerre froide. On continuait à y songer en convoquant le souvenir de Lucrèce Borgia et son goût prononcé pour les potions vénéneuses, érigées en hygiène de vie pour contrôler le casting de son entourage, ou bien encore à Marie Bénard, restée dans les chroniques judiciaires l'empoisonneuse de Loudun malgré son acquittement. Ces histoires étaient bien féminines et s'y ajoutait notre imaginaire de l'Inquisition, avec toutes les accusations formulées contre les soi-disant sorcières pour les mener au bûcher, avec la vague impression que justice était faite. Et puis en 2004, les doutes qui entourent la mort de Yasser Arafat sont bientôt suivis des images du visage dévoré de l'ancien président ukrainien Viktor Yushchenko. Ce qui apparaissait comme la queue de comète persistante d'une habitude indigne pour se débarrasser en toute déloyauté de son ennemi politique était juste là, avec nous, et son cortège de rumeurs avec elle. Des territoires où sévissaient les empoisonneurs sont apparus et le Royaume-Uni a succédé dans notre géographie de la toxicité maligne à l'Italie des Borgia, au point qu'on avait fini par se méfier des poignées de porte une fois descendu de l'Eurostar. Aconite, orpiment, douce solanée, charogne de serpent, morsure d'araignée, cantarella, jusquiam, bigite le pourpré, belladone, stramoine, arsenic soufre. Cinnabre, cocaïne, eau de mort, eau de vie, alcool, strychnine, céruse, verre de gris. Sainte Locuste, belle Lucrèce, rangez vos fioles et venez. Je vous invite à la grand-messe de mes amours empoisonnés. L'empoisonnement, c'est le signe d'une ruse qui attend tapis dans l'ombre un moment de fragilité ou d'inattention pour accomplir son œuvre au lieu de choisir l'affrontement en pleine lumière. Une vilaine pratique qui casse l'ambiance à l'ère de la démocratie triomphante. Il a fallu affronter le réel, les empoisonnements étaient toujours de notre temps. D'ailleurs, selon Franck Collard, historien médiéviste, auteur de « Crimes de poison au Moyen-Âge », la pratique n'avait même jamais cessé. Loin de constituer l'arme de prédilection des femmes, les princes, les papes et les empereurs s'y étaient donnés à cœur joie dans l'art d'épicer les plats, de dispenser de mortels baisers ou encore d'enduire objets et vêtements d'onguents malins à toutes fins utiles. La littérature médiévale était d'ailleurs riche de traités sur les poisons pour le combattre, mais rien n'empêchait d'y trouver l'inspiration. On suit l'évolution du bulletin de santé d'Alexei Navalny avec autant d'attention que d'indignation. Mais pourquoi les affaires d'empoisonnement nous dérangent-elles à ce point-là? Après tout, nos sociétés inventent sans arrêt des moyens très raffinés de tuer sans effusion de sang. C'est d'ailleurs pour faire la nique à cette démocratie athénienne, dont nous nous réclamons les héritiers et dont ils se défiaient, que Socrate choisit d'en finir par la ciguë sans se contenter d'un simple bannissement. Si l'abandon du poison était un marqueur de civilisation, on serait finalement très mal noté. Alors, on serait très mal noté. Merci Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire et puis tous les liens utiles sur notre site internet franceculture.fr.